Exercice 3, page 25. A. Je vais au théâtre. Je vais au théâtre. B. Je visite Paris. Je visite Paris. C. Je vais voir une pièce. Je vais voir une pièce. D. C'est un petit musée. C'est un petit musée. E. C'est près de l'opéra. C'est près de l'opéra. F. Tu retournes au cinéma? Tu retournes au cinéma?